Je sens ma chair se réveiller à la chaleur de l'eau qui ruisselle. Je voudrais rester là. Encore un peu. Encore. Encore. J'ai peur d'affronter le froid. J'ai pas envie de me battre. Il a glacé mes os durablement. L'installation est réussie. Comme un virus qui a d'abord insufflé le frisson, puis le... par sa persistance et ma résistance. Passer quelques minutes de plus sous la douche, dans la chaleur. C'est un baume, une pommade. Et c'est aussi prendre conscience de l'état de mes os. Et faire jaillir la tristesse en même temps que le soulagement. Je sais que le printemps n'est pas loin. Que février, c'est le pire. C'est mon pire. Je sais aussi, je le sais, que mes os sont encore solides. J'attends les primes verts, comme toi avant moi. Et je me demande comment, ce printemps-là, les éclosions n'ont pas suffi. Je me demande ce que j'ai manqué. Je me demande ce que j'ai fait, pas fait, trop ou pas assez. J'essaie de trouver ce qui a fait que le printemps n'a pas suffi. J'essaie de trouver ce qui fait que le printemps n'a pas suffi. Et je cherche, et je sais toujours pas. C'est étranger à moi. Une angoisse est coincée au fond de mon ventre et me rappelle, quand je suis sur le point d'oublier, que je ne sais pas, que jamais je n'ai su. Je cours après le froid, pour comprendre pourquoi il paralyse, comment il endort, comment il brûle. Je cherche à comprendre pourquoi les bourgeons n'ont pas suffi. Je cherche à atteindre, mais sans me brûler, et sans aller jusqu'au corps à corps. J'aimerais juste pouvoir examiner tous les pores. Je cherche à revoir ton sourire dans la nuit, et quand je le vois, je voudrais savoir que la chaleur était encore là. Je vois que l'absence. J'attends le sourire du Cheshire. Je m'inquiète de ne pas le voir. Je m'inquiète dans l'attente. Et je vois apparaître que le corps saisi par le froid. Que seule la terre réchauffera. C'est à ce moment-là, quand la terre chauffe enfin, que je te vois fleurir sur les talus.